France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, chaque jour, à 16h maintenant, toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio, bien sûr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, nous allons parler des sexes innombrables. La chose n'est pas simple. Il y a le genre, il y a le sexe, il y a des sexes, il y a peut-être même des archi-sexes. Bref, un labyrinthe sexuel. Et tout ça avec Thierry Hoquet, qui est philosophe, philosophe des sciences, et plus exactement spécialisé en philosophie de la biologie. Mais tout de suite, sans perdre nos habitudes, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les taupes. Les taupes dorées hottentotes, je reprends mon souffle, les taupes dorées hottentotes d'Afrique du Sud, alias Amblissimus hottentotus. Ces dernières sont de petits mammifères aveugles, qui vivent dans des tunnels et se nourrissent de vers et d'insectes. Les taupes femelles, elles, sont plutôt solitaires mais polygames, s'accouplant dès qu'elles en ont l'occasion. Les femelles se reproduisent donc à longueur d'année, donnant naissance à des portraits, à des portées d'un à trois bébés. Elles évaluent l'attirance et la capacité reproductrice des mâles en se fiant à la longueur de leur pénis. Et cela selon une étude parue dans Mammalian Biology. Un pénis plus long favoriserait ainsi donc les chances d'une taupe mâle, cette fois, de s'accoupler et d'avoir une progéniture. Le pénis des mâles est très court. Il mesure de 1 à 2,5 mm, alors que l'animal, lui, mesure, adulte, de 8 à 9 cm. Ils ont probablement, avec ce petit pénis, un record, puisque par rapport à la longueur de l'animal, et dans tout le règne animal, eh bien c'est le plus petit rapport entre le pénis et ça et la longueur entière de l'adulte. Toutefois, la taille du pénis varie considérablement d'une taupe à l'autre, beaucoup plus que d'autres aspects physiques comme la longueur du corps, voire la grosseur des testicules. Selon les chercheurs, ceci a permis de penser que la longueur du pénis est une caractéristique qui entre en jeu dans la sélection sexuelle, bien sûr. Cette dernière, pour rappel, et proposée par Charles Darwin, constitue un des mécanismes de la sélection naturelle au sein des espèces. Elle résulte de stratégies visant à accroître les chances d'un individu de trouver un partenaire pour se reproduire et de donner naissance à une descendance capable, à son tour, de se reproduire. Du point de vue de la femelle, les mâles les plus attirants sont ceux qui possèdent certains avantages par rapport à leurs congénères, comme par exemple des muscles plus développés, des grandes cornes. Mais comme ces taupes vivent dans un environnement étroit et sont aveugles, je le répète, il leur faut des caractéristiques qu'elles puissent déceler facilement, soit au toucher, ou encore à l'odorat quand elle rencontre un partenaire. Pour les femelles, la taille du pénis serait ainsi un signe de la qualité entre guillemets du mâle. Il s'agit là peut-être du seul critère d'évaluation qui est à leur portée. Cette taille permet donc à une femelle d'accepter ou de rejeter un mâle. Dans une perspective évolutionniste, il est donc compréhensible que les corps des mâles chez cette espèce investissent beaucoup, beaucoup dans un gros et un long pénis. Des femelles d'autres espèces animales vivant dans un environnement nocturne ou sans lumière, comme les chauves-souris ou certains phoques, pourraient aussi se fier à la longueur du pénis pour juger la valeur du mâle, selon certains scientifiques. Toutefois, d'après Bill Batman, Batman, le scientifique qui a conduit cette étude, il est peu probable que la longueur du pénis ait une fonction analogue chez d'autres espèces, comme l'humain, par exemple. Nous avons toutes sortes de mécanismes de sélection de partenaires qui interviennent avant l'accouplement, précise ce Bill Batman, pour conclure avec justesse et avec ironie. L'autre, après tout, ne découvre la longueur du pénis que lorsque le choix de sa partenaire a déjà été fait. Bonjour Thierry Hoquet. Bonjour Stéphane et Georges. Est-ce que ça sonne un peu? Parce que pour une fois là, je l'ai pris avec quelques biais connexes avec vos thèmes. Je rappelle tout de suite le titre de votre ouvrage. Il y en a plusieurs, je les nommerai après. En tout cas, celui qui nous importe et qui nous intéresse aujourd'hui s'intitule « Des sexes innombrables » avec un sous-titre « Le genre à l'épreuve de la biologie » qui est édité au Seuil. Donc... Alors, Des sexes innombrables, ce n'est pas un livre sur la diversité des pénis dans la nature, même si ça pourrait en faire partie. Oui. Ce qui m'a frappé, c'est d'abord, Buffon décrivait la taupe comme l'animal le plus fougueux, en fait. Justement, il disait que dans les replis de la peau de la taupe, il y avait une sorte de sève incroyable qui ne demandait qu'à s'écouler. Donc, ça m'a fait rire de vous entendre raconter ces histoires de taupe, même si je ne suis pas sûr que la taupe dont vous parlez soit du même genre que la taupe européenne dont parlait Buffon, mais c'est intéressant de voir la même mythologie. Après, sur cette histoire d'animaux aveugles qui sélectionnent des pénis, c'est assez intrigant parce que on se dit bien qu'effectivement les mâles taupes ne se promènent pas avec leur pénis en sautoir, particulièrement un pénis de 1 à 2,5 mm. Donc, oui, mais comment on va le voir, puisque c'est un mot qu'on va utiliser, elles sont des championnes de la perception des périnées. Allez savoir. Allons-y. Thierry, hein. Alors, pour introduction de votre travail, on peut dire que ça commence par une espèce de confrontation, d'une certaine manière, entre deux positions. Un biologisme qu'on va dire d'abord, parce qu'on va le nuancer beaucoup, qui est un peu brut de décoffrage, qui est un petit peu réducteur, et qui serait donc ce qui guide... En tout cas, l'organisation sexuelle, et puis surtout la désignation, et je dis le mot, du genre. Nous voilà avec nos deux maîtres mots, cette fois, le sexe et le genre, deux choses bien différentes, comme on va le voir. Et donc, cette position naturaliste étant fortement critiquée par ce que vous appelez les constructivistes, ceux qui sont, en général, ce que l'anglo-saxon désigne par « gender studies ». Donc, des études de genre où le genre ne va pas de soi, puisque, en particulier, vous avez publié dans un ouvrage collectif l'article d'un auteur féminin qui réfléchit sur les 5 sexes possibles. Donc, on se retrouve avec 5 sexes. Et juste avant de terminer ce petit préalable, comme pierre d'attente, on a appris que 3 femmes voulaient se marier, elles ont fini par se marier ensemble, et qu'il y avait l'exemple absolument unique et qui fait vraiment, là, cette fois, une attitude tout à fait inédite, princeps. C'est une femme qui voulait se marier avec elle-même. Alors, qu'en est-il de la position de ces de studies genders vis-à-vis donc de la position dite naturaliste, Thierry Hoquet? Déjà, vous écoutez, on entend bien que dès qu'on parle de sexe et de genre, ça suscite tout un imaginaire un peu proliférant et quantité de, ça fait sonner différentes cloches dans nos esprits. Donc, moi, les cloches qui m'ont occupé au départ, hein, je dis pas ça parce qu'on approche de Pâques, mais cette question des sexes et des genres, c'est... disons d'abord la division très forte de notre pays et des opinions dans notre pays entre d'un côté donc les tenants d'un ordre naturel qui s'opposaient à ce qu'ils appelaient la théorie du genre ou du gender, hein, pour souligner l'aspect halogène, hein, de cette notion. Et le fait qu'il y avait là quelque chose d'irréductible dans cette opposition. La nature dit quelque chose, la théorie du genre dit autre chose et donc la théorie du genre a tort. C'est cet état du débat qui m'a interpellé, qui m'a sommé de prendre ces questions à bras le corps un peu, pour essayer de voir, de rompre un peu cette apparence d'unanimisme entre, disons, une biologie qui dirait il y a deux sexes et puis une opinion qui dirait il y a deux sexes et les deux diraient forcément la même chose. Et donc l'opinion aurait raison parce qu'elle serait arc-boutée ou fondée en raison sur un état de la science. Or, il y a une leçon de l'épistémologie que j'ai apprise en lisant Gaston Bachelard, c'est que quand l'opinion et la science se rencontrent, c'est sur un malentendu en fait. La science n'a pas pour fonction de donner raison à l'opinion. Donc, quand on a l'impression qu'elles disent la même chose, souvent, ça cache un ensemble de confusions. Et ce que Bachelard disait donc pour la théorie physique, en son temps, eh bien, il me semble qu'on pouvait l'appliquer à la biologie. Donc, je suis allé voir un peu ce que disait la biologie quand elle disait qu'il y avait deux sexes. Et on voit que finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que dit l'opinion trop rapidement en disant qu'il y a deux sexes. Donc, c'est ça que j'ai voulu creuser. Bien sûr. Vous avez évidemment voulu tenir compte des études qui sont importantes dans ces études de genre. Et puis aussi d'une sorte d'implacable du discours biologique, puisque de toute façon, la biologie n'est évidemment pas une science sociale. C'est une science dite dure, entre guillemets, avec la théorie que l'on connaît. Penchons-nous tout de suite, suivons votre interrogation que vous posez dès le départ. Et si on se mettait à réfléchir réellement à ce qu'est le sexe? Alors la position de ceux qui sont donc dans la position de l'analyse du genre, vous dites que ce sont des disciplines qui sont relativistes. Donc il faudrait voir pourquoi. On peut dire que le gène, dans ce cas-là, n'est absolument pas déterminant, bien évidemment. Le déterminisme biologique n'est évidemment pas non plus déterminant. D'une certaine manière, la position, et vous allez la nuancer, mais en tout cas qui caractérise au départ les études de genre, c'est que il y a du culturel, il y a du social, voire même de l'historique dans les affaires de sexe. Et donc, de façon même très ordonnée, puisque c'est pratiquement très tôt que se décide de manière social, le sexe. Donc il y a quelque chose de très frappant du côté des études de genre, c'est une proposition qui est vraiment provocante, qui est cette idée que le genre précède le sexe. On a eu l'impression pendant longtemps que le sexe précède le genre, puisque le sexe c'est l'aspect biologique naturel, le genre l'aspect social, donc forcément l'aspect social vient se greffer sur quelque chose qui est donné biologiquement et qui est le fond commun de l'humanité. Or, en affirmant que le genre précède le sexe, les sciences humaines, on peut dire, ne souhaitent pas s'en laisser compter par la biologie. Elles affirment leur autonomie épistémique contre la biologie. Que veulent dire les études sur le genre, donc les sciences humaines et sociales, quand elles s'intéressent à cette question du genre et quand elles affirment que le genre précède le sexe? C'est très important. C'est cette idée que le « deux » du sexe, c'est-à-dire le fait qu'il y a deux sexes, n'est pas donné par la nature. Donc, c'est un relativisme, mais un relativisme qui prend en compte un ensemble de données matérielles. Il ne s'agit pas de nier le fait qu'il y ait des réalités biologiques. Simplement, ce que disent les études sur le genre, c'est que ces réalités biologiques ne prescrivent pas le « deux ». C'est la société qui a besoin d'instaurer le système bicatégoriel, le système dichotomique, qui met d'un côté les hommes et les femmes dans deux boîtes différentes et qui n'admet que deux boîtes possibles. On peut venir tout de suite à une remarque, une analyse plutôt que vous faites sur le moment de l'analyse. Alors je vais le dire doucement parce que je vais fourcher, périnéal. C'est-à-dire que l'enfant naît, on regarde, je vous laisse expliquer, c'est-à-dire on regarde cette petite partie montueuse hein, qui est la partie du périnée, et là va se prendre une grande décision, voire aussi, ça peut être aussi un cas d'expectative terrible en cas d'hermaphrodisme. Donc c'est là où va se décider, d'une certaine manière, le genre et l'état civil. Alors effectivement, quand un enfant naît, on ne lui fait pas de karyotype pour connaître sa formule chromosomique. Oui. Donc, dans la manière dont les sexes sont enregistrés dans notre société, c'est l'examen du périnée, donc de l'aine de l'enfant, qui détermine si c'est un garçon ou si c'est une fille. En général, d'ailleurs, ça n'est une surprise pour personne. Les parents se sont enquis de la chose bien avant la naissance. On sait que les échographies sont interprétées par les parents comme des dispositifs leur permettant de connaître le sexe de leur enfant c'est le plus ça. Tôt possible. On est clair sur les génitoires avec cette radio, hein, avec cette image. C'est un garçon, il en a 3. C'est une fille, elle n'en a pas. Voilà. Donc c'est la question du dégénitoire. L'analyse des génitoires. Et cette question, elle est déterminante, puisqu'en fait, elle détermine, comme vous l'avez rappelé, le sexe d'état civil, et à partir de là, disons, l'ensemble de la socialisation de l'enfant. Mais, et c'est sur ce point que les études sur le genre s'appuient, il y a en effet des individus qui n'entrent pas dans le dimorphisme strict, qui ne sont ni typiquement mâles, ni typiquement femelles. Vous avez parlé d'hermaphrodisme, on parle aujourd'hui beaucoup de personnes intersexuées, de phénomènes d'intersexuation. Transsexualisme. Alors, transsexualisme, c'est encore autre chose. Oui. Disons, là, c'est vraiment sur l'anatomie génitale hein, de c'est la ça. Personne. Sur ces personnes-là, qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas les assigner, enfin on peut pas les laisser flotter, disons, dans un espace ni homme ni femme, on va dire, ni garçon ni fille. Donc la tentation chirurgicale a parfois été imposée à ces enfants, disons, on prend une sorte de chausse-pied chirurgical pour les faire entrer de force dans la dichotomie, c'est-à-dire bon, ton pénis n'est pas assez grand, tu seras une fille. Voilà, on réassigne. Et l'hétérodogmatisme veut que ce soit souvent que la balance penche du côté du garçon. Alors, aussi, on peut dire rapidement, c'est une de ses conséquences. Oui, sur ces questions-là, elles ont été déterminantes parce qu'il y a une vraie souffrance sociale et une violence, disons, chirurgicale qui est imposée à des êtres humains sous prétexte qu'ils ne correspondent pas à la forme typique ou à la forme idéale de ce que doit être un homme ou une femme. C'est principalement pour faciliter d'abord la vie de ces individus que les études sur le genre ont pris la parole pour rappeler, disons, que cette violence prescrite par l'exigence sociale qu'il y ait seulement 2 sexes était coupable, était condamnable. C'est contre cette assignation du 2 que on a pu dire que si la nature ne prescrit pas le 2, ben il faut accepter ce 2-là. Enfin, cette pluralité-là, pardon. Oui. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Toujours en compagnie de Thierry Hoquet, à travers la question des sexes innombrables. Sont-ils innombrables ? Un petit rappel, purement puisque vous avez parlé du karyotype, donc évidemment, hein, les femelles sont XX et les mâles sont XY, donc homotypie d'un côté et de l'autre hétérotypie, mais il arrive aussi qu'il y ait l'apparition de femelles XXY, par exemple. Donc, recentrons donc sur votre ligne d'analyse qui, je lance une première synthèse pour essayer. Donc, vous êtes très informé, évidemment, de la situation des études en biologie, des études sur le sexe, de la sélection sexuelle. On confère en particulier les 2 volumes que vous avez fait paraître chez Hermann, hein, qui s'intitule « Le sexe biologique », avec comme sous-titre « Anthropologie historique et critique », où là, on voit évidemment que votre intérêt à travers aussi beaucoup d'auteurs qui vous ont accompagné dans cette aventure éditoriale. La biologie vous intéresse tout particulièrement. Mais votre oreille n'est pas insensible non plus à certaines catégories. Donc vous avez une attitude où, d'une certaine façon, vous avez envie de porter quelques critiques vis-à-vis de ces constructivistes que je dis, que j'ai nommé un peu relativistes, et en même temps de pas réintroduire une idée complètement fausse de la biologie ou qui se base sur une espèce de déterminisme épais, un réductionnisme terrible, tout dépend. Alors donc, signalons simplement comme quoi la question fait problème, vous citez Monseigneur Barbarin très tôt qui a donné son sentiment au moment donc du mariage pour tous, en mobilisant un texte écrit, un texte canonique, et en restant là et en disant qu'il était fondé en nature. Un papa, une maman, un enfant. C'est plus compliqué, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est important que vous rappeliez, disons, vous efforciez de caractériser la position théorique que je développe, parce que il s'agit en fait de rompre l'isolement disciplinaire. D'un côté, une biologie naturaliste qui parle, et de l'autre côté, des études sur le genre qui parlent avec leurs références, leur corpus de références, Judith Butler pour ne pas la nommer, oui. Et bien d'autres. Mais ces deux mondes-là s'ignorent complètement, et je pense qu'il y a un travail à mener à l'interface. Et c'est ça que j'essaye de faire. Pourquoi ? Tant que les deux domaines s'ignorent superbement, ils traitent finalement des mêmes objets, chacun de manière dogmatique ou doctrinale. Voilà. Donc, je prends un exemple, l'exemple des choix de jouets, par exemple. Oui, tous bon les exemple. Ans, c'est un marronnier journalistique et sociologique que les garçons sont assignés au bleu et les filles au rose. Et pourquoi ? Sans doute la faute au capitalisme, etc. Mais de l'autre côté, il est intéressant de voir que des naturalistes, des psychologues évolutionnistes s'emploient à naturaliser les choix de jouets en testant les préférences de petites femelles et de petits mâles singes vervés pour essayer de voir si, par hasard, les femelles ne manifesteraient pas une préférence pour les casseroles ou les poupées, de même que nos petites filles, de même que les mâles donc préféreraient les camions. Donc, alors ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de truquer dans ces recherches. Enfin, ça va trop loin. Que signifie une casserole pour une petite femelle singe? Il y a quelque chose d'indécent dans cette manière de projeter du genre dans les objets, justement. Et donc, ce qui me frappe ici, c'est l'ignorance superbe, en fait, des deux traditions. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est vraiment mener les études de genre au sein de la biologie pour, d'une part, faire la critique de ces résultats exagérés, mais d'autre part, pour apprendre énormément de choses sur ce qui se dit en biologie, oui. De la diversité du sexe dans la nature, de la difficulté qu'il y a dans cette discipline à définir ce que sont mâles et femelles autrement que par la simple production de tel ou tel type de gamètes. Difficulté d'aller au-delà donc de la dichotomie de l'ovule et du spermatozoïde, si vous voulez. Et donc, apprendre un peu plus d'histoire naturelle pour comprendre que les concepts de mâle et femelle sont des concepts problématiques dont on a guère de généralité à fournir. Bien sûr. Là, on peut se tourner, c'est une information que vous donnez très tôt dans votre ouvrage, Thierry Hoquet. Vous regardez ce qu'il se passe pour les primates supérieurs. En particulier, on voit très très bien que l'organisation est tout à fait différente. Vous dites que les gorilles, ces grands singes, sont dans une situation où il y a des harems monomâles, un grand mâle à dos argenté, n'est-ce pas, qui surveille son harem de femelles. Tout à fait différent, c'est tout à fait différent, évidemment, chez les chimpanzés, hein, où là, il y a une situation de lutte entre les mâles. Et puis, c'est encore différent, bien évidemment, chez les pacificateurs universels, que sont les bonobos. C'est-à-dire où là, tout est permis, c'est-à-dire que toutes les variantes de l'expression sexuelle sont autorisées entre mâles et femelles, sollicitation, voire par des enfants, voire des petits, pardon. C'est l'anarchisme débridé au sens où il n'y a pas de territorialité ni de hiérarchie stricte. Et tout ça est au service d'un altruisme de la réconciliation. C'est bien ça. Donc on peut voir que là, la nature ne se répète pas, hein, en particulier dans l'organisation sociale de la sexualité de nos cousins. L'espèce humaine est une espèce malheureuse. Et pour soigner ses malheurs, elle cherche à connaître, à percer un grand secret qui est ce qu'elle serait à l'état naturel. Et donc, pour accéder à cet état naturel de l'humanité, un des truchements qui est proposé par la biologie, c'est de dire on va aller regarder ce que font les espèces les plus proches de nous. Comme ça, on saura qui on est enfin. On saura quel est le mode d'organisation sociale qui nous convient. Parce qu'il est évident que la société doit calquer des quelconques prescriptions naturelles. Hein, ça ne fait de doute pour personne. La société ne doit surtout pas s'inventer ou inventer ses normes, sans quoi ce serait la perte de l'humanité. Donc, dans cette recherche éperdue de l'ordre naturel que nous devrions calquer dans nos sociétés, on étudie les primates afin d'essayer de percer le mystère de ce que nous devons faire pour nous organiser. C'est quelque chose qui est très intéressant mais qui est complètement faux. On trouve dans la littérature biologique différents arguments en faveur, les uns de la monogamie stricte, les autres en faveur d'une polygamie flexible. Hein, on lit ça dans les arguments des évolutionnistes. En fait, la polygamie, ça serait ça, le régime naturel de l'humanité. Mais où est-il écrit que les humains, pour s'organiser, doivent calquer un quelconque ordre naturel ? Dans quel domaine de nos existences nous soucions-nous d'être naturels, à part dans cette question sexuelle ? Je prends l'exemple de l'alimentation. Évidemment, l'alimentation, il y a une dimension biologique, naturelle, organique, physiologique, etc. Mais ça n'empêche pas une grande liberté en termes d'invention de cuisine. Sur la question sexuelle, c'est la même chose. Nous avons évidemment, dans cette affaire sexuelle, un aspect organique qui est indéniable, mais ça n'empêche pas que nous sommes en liberté d'inventer différents types de cuisine, voilà. Oui. Alors évidemment, petite parenthèse, il y a eu des études allométriques qui sont assez drôles, enfin, ou en tout cas intéressantes, qui étaient d'observer donc les testicules des gorilles par rapport aux chimpanzés, par rapport à l'homme d'ailleurs aussi. Hein. Le gorille est gigantesque, très puissant. Et il a de tout petits génitoires. Minuscule. Le chimpanzé, le bagarreur permanent, celui qui fait même des excursions homicides, si je puis dire, puisqu'il va attaquer et tuer certains mâles concurrents pour avoir du territoire, ou des femelles, lui, il a des gros testicules, des génitoires imposants. Oui, donc c'est précisément ce type de corrélation qui laisserait supposer qu'il y a de même un ordre naturel pour l'organisation sociale. Sur ces questions-là, moi je préfère relire l'esprit des lois de Montesquieu et m'intéresser à la diversité des sociétés en fonction des climats, pourquoi pas, plutôt que d'essayer de transposer de manière abrupte et mécanique des observations naturalistes. Comme si finalement le mode d'organisation sociale était intangiblement inscrit dans nos anatomies. D'où cette espèce de naturalisation un peu forcenée qu'ont les Américains, en particulier vis-à-vis donc du problème du genre et de l'homosexualité, puisque de façon récurrente, on essaye de savoir si... Et là, ça fondrait en nature l'autorisation et le non-péché que d'être homosexuel si on trouvait le gène de l'homosexualité. Bien évidemment, on ne le trouve jamais. C'est exactement comme le gène du fumeur, voire celui de l'alcoolique. Donc là, ça ne marche pas. Donc il y a... là, on est typiquement dans le réductionnisme naturaliste qui veut fonder en biologie sa position d'analyse. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, c'est une biologie qui a de puissants enjeux sociétaux. Oui. En fait, dire que l'homosexualité, c'est naturel ou culturel, peut avoir différents impacts. Des militants LGBT, gays et lesbiens, peuvent revendiquer le caractère naturel de l'homosexualité sur un mode « foutez-nous la paix ». Au contraire, d'autres vont pouvoir légitimer l'homosexualité, enfin condamner l'homosexualité en disant c'est quelque chose de répréhensible, c'est quelque chose de génétique qu'il faudrait éliminer, par exemple. On voit les différents usages sociaux qui peuvent être faits cette question de la biologisation, finalement. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que ce sont des questions qui surgissent de manière épidémique. Il est très frappant, en lisant Science et Nature autour de la guerre de 14, de voir à quel point on était furieux d'établir biologiquement un instinct de guerre, par exemple. Hein. Donc il y a des questions comme ça qui font floresse, qui emportent l'opinion et les passions scientifiques, en sachant bien que finalement elles n'ont pas pour objet de résoudre des questions scientifiques, mais bien des questions sociales. De même, les recherches tellement protéiformes, proliférantes et effrayantes qui ont eu lieu sur la race pendant tout le 19e siècle. On mesurait des crânes, etc. On en tirait un certain nombre de conclusions. À quelle fin ? Bien sûr. Ou aussi le biologisme eugéniste. Là encore, là on parle cette fois des déviances, mais du côté bien sûr, en particulier de la théorie de l'évolution, puisque des très très grands évolutionnistes, en particulier, on peut penser à Fischer, qui est un immense mathématicien et un immense théoricien de la théorie de l'évolution, était aussi un eugéniste fervent en Angleterre. Et très tardivement, les Anglais ont fermé, d'ailleurs comme certains pays nordiques, des centres d'eugénisme. Donc voilà, il faut bien ici noter, moi je ne suis pas du tout un critique radical de la biologie qui dénoncerait dans les discours biologiques une idéologie à l'œuvre. Je suis un grand lecteur de biologie et un grand admirateur de la biologie. J'aime la biologie pour tout ce qu'elle nous montre de la diversité des phénomènes naturels. Pour la manière dont elle nous retourne perpétuellement la tête en nous montrant que tout est plus compliqué qu'on pourrait le penser en premier abord. Mais indéniablement, il y a des usages idéologiques de la biologie. Il y a des questions idéologiques qui s'insinuent dans la recherche biologique. Et là-dessus, il y a une certaine vigilance critique à adopter, c'est évident. Donc on va, après cette respiration musicale que va nous proposer Dany Journeau, reprendre en particulier pour justement inverser l'équation, savoir si c'est le sexe qui détermine le genre ou si du genre on peut en inférer du sexe. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeaux d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver, c'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps, au printemps. Et ben voilà, franchi allègrement ce mi-temps de Continent Science, aujourd'hui dévolu à savoir ce que sont et le sexe et le genre. Je ne dirais pas de quel genre était notre rencontre d'aujourd'hui. En tout cas, nous la menons avec Thierry Hoquet autour des sexes innombrables, faisant la liaison dans cette citation du titre de votre ouvrage, Thierry Hoquet. Je vous propose d'abord de définir votre position, puisque vous dites évidemment il faut critiquer les déviances des épaisseurs dogmatiques du biologisme, mais c'est quand même très très intéressant, et donc vous vous déclarez, vous, comme alternaturaliste. Qu'est-ce à dire? C'est très important, étant donné mon positionnement disciplinaire, on va dire, le fait que je ne sois pas un biologiste, mais un philosophe, donc un relativiste, un sceptique, quelque chose de, une atroce engeance. Donc, il est très important pour moi de mettre en avant l'importance du réel. Hein, de dire, en fait, pour moi, la nature existe, en fait. Et par là, j'entends le fait qu'il se produise des choses qui ne dépendent pas de nous. Oui. Le naturel, dans sa définition première, c'est cette idée d'une spontanéité, de quelque chose qui traverse les individus sans que leur volonté y soit pour quoi que ce soit. Voilà. Oui. La... Comme certains voudraient nous le faire, quoi, on ne va pas les suivre. C'est que, en tout cas, en poussant le relativisme, on arrive à une sorte de relativité où il n'y a que, alors là, que du culturel, d'une certaine manière, et que des conflits. Et là, plus aucun objet. Vous dites qu'il y a, dans vos assertions, qu'il y a quelque chose qui existe quand même, et que, en tout cas, les gènes X et les gènes Y, ça existe vraiment, donc c'est pas des artefacts sociaux inventés par les scientifiques qui ne, en fait, racontent que des fictions et donc de fictionnaliser par sa position complètement tout ce qui est de l'ordre de l'ontologique et de la nature, non? Donc, ce que dit cette position qu'on qualifie de relativiste, c'est cette idée que la science a une histoire. Et de fait, les concepts sur lesquels nous décrivons, nous travaillons aujourd'hui, ont une existence, on peut dire, assez récente. Les chromosomes sexuels, ils ont été découverts ou inventés, selon votre inclination, vous choisirez le terme, au début du XXe siècle, disons, toute fin du XIXe. Les gènes, comme le gène SRY ou des choses comme ça, datent d'une période beaucoup plus récente, on va dire la fin du XXe siècle. Donc, de fait, disons, notre arsenal conceptuel a une histoire. Est-ce que cette histoire doit être entièrement lue comme un progrès dans nos connaissances? Nous connaissons toujours mieux les choses, ou est-ce que il se produit de temps en temps, disons, des révolutions conceptuelles qui font que nous voyons la nature de manière totalement différente de ce que nous voyions par le passé? Ça, c'est une question à trancher, mais en tout cas, c'est le fait que nos concepts aient une histoire nous invite à un certain relativisme, une certaine perplexité, voilà. Mais malgré tout, disons, ça c'est le statut de la découverte au moment, hein, voilà, de la science. L'argument que j'invoque pour être réaliste ou naturaliste, c'est l'argument qu'on peut appeler l'argument des dinosaures, vous voyez, c'est-à-dire supposons un moment où il n'y avait aucun humain pour observer, eh bien malgré tout il se produisait quand même des choses, voilà, et ces choses-là, c'est ce que j'appelle l'archisexe, hein, c'est le sexe ancestral, si vous voulez. Qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? D'où cette difficulté évidemment, sur la question philosophiquement du réalisme, c'est quand on tourne le dos à la Lune, est-ce qu'elle arrête d'exister ou est-ce qu'elle perdure? Est-ce qu'elle est pérenne, la Lune, quand on lui tourne le dos? Ça, bon, c'est la question du pyrrhonisme historique. Et vous savez, Diderot disait déjà dans l'encyclopédie que lorsque je suis à Paris, je peux douter de l'existence de la ville nommée Saint-Denis. Donc, bon. Alors venons à la concrétude de certaines variantes qui sont intéressantes. Je vais prendre tout de suite parce que je trouve que sa forme figure, en tout cas, pour regarder les manières de reproduction et de sexualité. Généralement, les oiseaux sont monogames dans leur grande majorité, et puis, à part les ratites et certains canards, ils n'ont plus d'organes copulatoires. Ils ont un cloaque. Et donc, on voit apparaître, bien évidemment, cette espèce de fantasmagorie des mâles pour essayer de séduire, puisque c'est toujours elles qui choisissent, d'aboucher leur cloaque réciproque pour arriver à l'acte reproductif. Mais, généralement, c'est autour donc d'un mâle, ensuite, qui s'organise soit le couple monogame, soit d'autres situations. Il y en a une qui est fort intéressante, c'est celui du jacana, qui est un oiseau aquatique, qui arrive presque à marcher sur l'eau, et qui montre un très grand dimorphisme sexuel. Les mâles sont petits, les femelles sont très grosses, et les femelles sont polyandres. Elles ont plusieurs petits mâles, et elles ont un grand souci permanent de se battre entre elles pour se piquer des petits mâles, qui eux font tout. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont, en gros, c'est madame, eh bien, ils doivent s'occuper du petit. Et il faut qu'ils fassent bien leur travail. Ils peuvent être même réprimandés. Et voilà donc une société de sacrés... comment les appeler? Amazon. Jacana femelle. En effet. Alors, cet exemple, il est très important. Non pas parce qu'il nous dirait que un ordre dominé par les femelles serait à préférer à un ordre dominé par les mâles. Il est très important parce que il nous permet de comprendre que on ne peut rien généraliser du fait que les mâles produisent des petits spermatozoïdes nombreux et les femelles des gros ovules rares et coûteux. En général, en effet, c'est cet argument qu'on appelle l'anisogamie. Oui. Le fait que ce qui définit prioritairement les mâles et les femelles, c'est le fait qu'ils ne produisent pas les mêmes gamètes, les mêmes cellules reproductrices, mais surtout donc que ces gamètes n'existent pas en même quantité et donc n'occasionnent pas les mêmes coûts. Oui. Pour les individus. Et ça serait ça, la base de tout ce qui commande, disons, la différence des sexes dans la nature, dans les espèces à reproduction sexuée, cet argument de l'anisogamie qui ferait que, parce qu'ils ont beaucoup de gamètes à disséminer, les mâles seraient nécessairement frivoles, et parce qu'elles ont peu de gamètes très coûteux, les femelles seraient nécessairement rétives au coït et prudentes, et donc assignées au nid, en quelque sorte. C'est ça. Et l'exemple des jacanins que vous venez de présenter, il nous montre que en réalité, eh bien, il existe des espèces où le mâle est au nid et terne, et la femelle, elle, combative, pugnace et polygame. Donc ici, évidemment, on voit bien que c'est pas pour en tirer un ordre préférentiel à un autre, mais c'est simplement pour dire, on voit bien que quels que soient finalement les gamètes produits par l'individu, il n'est pas assigné à un comportement type ou stéréotypé. Donc cet exemple des jacanins, il nous permet d'enfoncer un coin dans l'idée qu'il y aurait des comportements naturels des mâles et naturels des femelles, les uns étant voués à l'extériorité combative et les autres au nid, à la domesticité. Petite précision là encore, on appelle même le double coup pour les femelles en général, hein, c'est un tout petit rappel, c'est simplement parce que d'abord elles doivent faire des gros œufs, des gros ovules, ça marche pour toutes dans toutes les espèces qui sont sexués, bien évidemment. Donc, un œuf gros, et il y en a peu. Et puis ensuite, il faut élever. Donc, d'abord, il a fallu produire, premier coup, ces gros œufs, et ensuite, l'élevage, qui est, en général, dévolu aux femelles. Le mâle produisant à foison des millions de spermatozoïdes et l'abandonnant. Cette notion-là, elle est très importante parce que finalement, c'est la question du succès reproducteur qui est en question. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un succès reproducteur ? Que réussir à se reproduire pour un mâle, est-ce que c'est simplement inséminer une femelle, le plus de femelles possible, etc. Ou bien est-ce que c'est arriver à produire une descendance qui elle-même sera en mesure d'être féconde, c'est-à-dire d'accompagner la descendance produite jusqu'à la maturité sexuelle, en fait. Et là, on voit que pour le mâle, il ne s'agit pas simplement d'arriver à l'insémination, il faut encore contribuer aux soins, etc., de manière à ce que cette descendance produite survive au-delà de l'éclosion, par exemple, pour... Alors, évidemment, vous détaillez avec beaucoup de précision dans la reproduction sexuelle les différentes étapes. Il y en a une qui est essentielle et où se marque le sexe, en tout cas, c'est évidemment les gamètes. On peut regarder aussi les gonades qui sont justement l'appareil producteur de gamètes. Cela dit, on est donc dans cette question de la reproduction sexuée et on est dans le pur génétique, là. Et très vite aussi, vous montrez, là encore, une ouverture, c'est que l'instance de séparation entre les deux sexes, puisque là, c'est complètement binaire, peut être tout à fait différente, et en particulier liée à l'environnement. Typiquement, les reptiles, les crocodiles. Les femelles crocodiles pondent des œufs. Si dans le nid, je sais plus dans quel sens, mais peu importe, c'est le principe qui compte. Si vous êtes en haut, vous serez un mâle. Si vous êtes en bas, vous serez une femelle. Donc c'est la température. Étonnant. Voilà. Donc ça nous aide à relativiser, encore une fois, cette question de où se trouve l'essence du sexe. Vous avez dit tout à l'heure, en parlant de l'espèce humaine, les femelles sont XX et les mâles sont XY. Et, comme vous n'avez pas précisé que c'était pour l'espèce humaine, ça donne l'impression qu'en fait, il y a une formule chromosomique typique en fait, et que tous les mâles sont hétérochromosomiques. Chez les oiseaux, c'est pas ça. Voilà, alors que chez les oiseaux, c'est le contraire. Ouais. Chez les reptiles, on voit que le déterminisme du sexe peut se faire par la température. Il y a des espèces de poissons chez qui le sexe est déterminé en quelque sorte par l'environnement, c'est-à-dire l'individu peut changer de sexe si, par exemple, le mâle dominant ou la femelle dominante vient à disparaître. Je peux pas, si vous le permettez même, Thierry Hocquet, ne pas citer la détermination même sociale, en particulier pour certaines espèces de poissons, puisqu'elles sont hermaphrodites dès le départ, avec donc des organes reproducteurs de l'un et l'autre sexe. On commence sa carrière en étant polyandre, ou protoandre, pardon, d'abord mâle, ou femelle, et on va changer. Et le banc est organisé de cette façon, c'est que l'élément dominant est une femelle. Lorsqu'elle vient à mourir, l'élément immédiatement dans la hiérarchie inférieure est un mâle, toujours. Il va redevenir femelle, et il va dominer, ainsi de suite. Et ça va même plus loin, puisque certains, en position d'être des mâles, mais avec la livrée femelle, se glissent dans le banc de poisson pour avoir des relations donc avec les femelles. Ils se déguisent en femelles pour aller tromper les mâles qui les observent, ou la grosse femelle d'en haut, en leur disant « attention, interdit ». C'est invraisemblable la plasticité des variantes. Ce qui est très intéressant pour l'épistémologue que je suis, c'est de mener à cette occasion une réflexion sur la définition pour un biologiste de ce que veulent dire les termes mâle et femelle. Oui. Et en fait, on s'aperçoit que au-delà du type de gamète produit, il est très difficile de faire des généralités. Voilà. D'où la question suivante, qui est de quoi est-ce qu'on peut dire qu'il est mâle ou femelle? Oui. Est-ce qu'on va dire d'un gamète qu'il est mâle ou femelle? Est-ce qu'on va dire d'une gonade qu'elle est mâle ou femelle, au sens où elle produira des gamètes mâles ou des gamètes femelles? Est-ce qu'on peut remonter à parler d'individus qui soient mâles ou femelles? Si on regarde le cas des plantes, par exemple, ouh là là. Il est évident que beaucoup de fleurs sont hermaphrodites, c'est-à-dire possèdent à la fois des organes mâles et des organes femelles. Les fleurs étant donc les organes génitaux des plantes. Des organes sexuels des plantes. Donc on voit que ici, la fleur est hermaphrodite, et donc le plant ou la plante qui porte ses fleurs, elle-même, elle peut porter différents types de fleurs, etc. Donc on ne peut pas dire de l'individu plante qu'il a tel sexe. Donc on voit que d'un point de vue biologique, et c'est à ça ici que sert la biologie, c'est à nous faire penser la question du sexe, si on veut parler du sexe en biologiste, à le penser donc au-delà de notre propre espèce, à nous faire tomber nos œillères anthropomorphes, anthropocentristes, pour considérer un peu de quoi il s'agit à l'échelle des vivants dont il est question en biologie. Eh bien, donc élargir un peu le champ, là je l'ai élargi aux plantes, mais on pourrait considérer donc même l'ensemble des règnes animaux, inclure les bactéries, voilà. Donc s'intéresser à ce dont parle la biologie sans le réduire à ce que nous voudrions entendre concernant notre espèce. Alors là, justement, c'était l'opportunité vient de poser plusieurs questions. D'abord, pourquoi est-ce que la nature a choisi massivement, en tout cas espèce par espèce, d'avoir donc une reproduction sexuée? Pourquoi y a-t-il du sexe autant? Alors que quand on est face à la parthénogenèse, c'est très simple, hein, d'une cellule mère, on a très vite deux filles, et quand on regarde des bactéries, on voit qu'il y a une rapidité de reproduction considérable. Mais même chez les bactéries, c'est compliqué. C'est-à-dire que chez les bactéries qui sont prokaryotes, qui n'ont pas de noyau, il y a une espèce de forme de sexualité. Là encore, ça brouille tout le temps les pistes, la nature, hein. Buffon, le grand maître de l'histoire naturelle, évoquait le fait que devant le mystère insondable de l'existence du sexe dans la nature, il dit que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévoir si on ne l'avait pas constaté. On peut dire que la nature s'amuse à faire des triangles ou aime faire des triangles. Elle prend deux pour faire un. Et voilà, cette petite fable pythagoricienne un peu lui servait à dire finalement sur la question du sexe, il est très difficile de comprendre pourquoi il y a du sexe? Parce que, aujourd'hui encore, les biologistes s'échinent à trouver un avantage, hein, au sexe qui soit susceptible de compenser, hein, cette, ce coût ou cette perte, ce gaspillage incroyable qui consiste à produire des mâles, c'est-à-dire des individus dont... Des parasites, d'une certaine manière. Hein. Ça a été dit, oui, en effet. On peut, enfin, pour caricaturer, merci, pour faire comprendre. Voilà, hein, oui, oui. Donc, cette question de pourquoi le sexe, évidemment, il y a des hypothèses qui ont été formulées, notamment le fait que ça... empêche l'autofécondation, ça favorise le brassage génétique. C'est l'argument majeur, le brassage génétique. Hein. Voilà, oui, oui. Bien sûr. Donc, mais n'empêche que il demeure quand même ce mystère pour la biologie encore aujourd'hui. Enfin, une sorte de difficulté à produire des modèles qui rendraient compte de cet avantage, en fait. Et pourquoi pas se mettre à trois pour la reproduction aussi, puisqu'on peut reprendre le triangle pythagoricien. Hein, pourquoi pas trois? Pourquoi est-ce que, après tout, ces trois femmes qui sont mariées ensemble, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Bon, on va pas évidemment étirer sur cet exemple une quelconque fable, mais en tout cas, pourquoi cette dualité-là est... Alors sur cette affaire, les biologistes répondent encore une fois par l'anisogamie, oui. C'est-à-dire le fait qu'il y avait finalement deux stratégies qui étaient viables en fait, hein. Soit les petits gamètes nombreux, soit les gros gamètes coûteux et rares, voilà, et que c'était en gros les deux stratégies évolutives qui étaient offerte, hein, qui était cohérente pour que la reproduction puisse avoir lieu, c'est-à-dire pour que finalement un zygote de taille viable soit produit. Alors on peut évidemment regarder la manière de reproduction qui soit séquentielle si on regarde... le mode de reproduction a été découvert par Bonnet, et voilà que le nom des pucerons, extraordinaire là encore, puisqu'elles vont alterner, je vous laisse raconter, Thierry. Ok. Donc, en fait, ici, on découvre que le mode de détermination du sexe est pluriel. Il y a des modes de détermination environnementaux par la température, vous l'avez évoqué, mais même concernant le déterminisme génétique, en fait, il y a plusieurs systèmes de détermination génétique qui existent. Chez les pucerons, en fonction... du nombre de chromosomes, finalement, vous pouvez produire des individus mâles ou des individus femelles. C'est pour ça qu'en fait, chez les pucerons, la reproduction peut être parthénogénétique pendant un certain nombre de générations. Puis quand les circonstances changent, il peut y avoir production de mâles. Parce qu'en fait, pour produire un mâle, il suffit de retirer la moitié des chromosomes, par exemple. Donc, on voit que finalement, la production d'un sexe donné n'est pas nécessairement liée, comme chez nous, à la grande loterie de la rencontre de quel spermatozoïde va être choisi pour entrer dans l'ovule, le mode de production du sexe peut différer, il y a différents mécanismes. Et oui, et puis le contraste là se joue avec les pucerons, puisque à un moment tout l'été elles sont pucerones et elles se divisent par scissiparité, hein, par parthénogenèse, et puis les mâles sont enfouis, donc ils sont souterrains. Il reste mâle. Et après, ces pucerones qui sont allègrement reproduites sans les mâles descendent dans le souterrain. Et là, à ce moment, retrouvent leur sexe de femelle et sont, après l'acte copulatoire, donc avec des mâles, se reproduisent aussi dans le territoire souterrain. Alors, ce qui est très intéressant sur cette affaire chromosomique, c'est que je crois que c'est le lieu dans lequel notre animisme spontané vient se loger concernant l'affaire sexuelle. Ah. En effet, on a l'impression, et c'est une croyance aujourd'hui assez partagée, pensez au livre d'Elisabeth Badinter qui s'appelle XY, hein, de l'identité masculine, que finalement, ce qui nous fait in fine être... homme ou femme, c'est le fait de posséder telle ou telle formule chromosomique. Et cette idée que, finalement, les caractères mâles-femelles sont logés quelque part en nous, au plus profond de nos cellules. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez mythique et mythologique, au sens où, on va dire, c'est un système universel. Regardez, on le retrouve chez la drosophile. Mais ce qu'on appelle chromosome Y chez une drosophile, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle chromosome Y chez un être humain. Il n'y a pas le gène SRY, par exemple. Donc, on voit ici comment, spontanément, on a tendance à vouloir généraliser à partir de ce qu'on sait de nous et à vouloir retrouver la clé de notre identité dans le mystère insondable de nos cellules. Je crois que Thierry Roquet, le temps est venu là pour que vous relatiez cette situation tout à fait invraisemblable où là, les chirurgiens jouent justement de la désignation, voire même de la sculpture du sexe. Je fais référence à cette situation tout à fait étonnante de ce qu'on appelle le couple John and Joanne. Oui. C'est terrible d'ailleurs, parce que là encore, donc c'est quelle plasticité, et quel désarroi et quel malheur d'une certaine manière. Donc c'est une histoire extrêmement tragique en effet, d'un individu né garçon et qui, à la suite d'un accident, a été amputé de son pénis. Et on a décidé à ce moment-là de le réassigner en fille et de l'élever comme fille. Simplement, il a compris qu'il y avait, comme disons, une difficulté dans son existence, quelque chose qui ne collait pas. Et donc, à ce moment-là, il a décidé de redevenir un homme, etc. Et c'est donc l'histoire de David Reimer. Et cette histoire, elle est exemplaire à la fois du destin brutal dont sont victimes les personnes intersexuées à la naissance finalement de la difficulté dans les constructions identitaires d'articuler disons l'aspect biologique et l'aspect social en fait hein, puisqu'on voit que cette personne elle a été violentée dans son existence et elle a été instrumentée par différents cadres théoriques, hein, on va dire les partisans de la table rase et puis les partisans au contraire de la détermination hormonale de la personnalité. Oui. Ben, on arrive au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Alors, à nouveau ce titre donc de l'ouvrage publié aux éditions du Seuil, des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie, je peux à nouveau citer aussi les deux volumes, les deux tomes de Le sexe biologique, qui est donc un collectif que vous avez dirigé, qui est publié aux éditions Hamann, et puis ce livre publié par Springer, qui donc s'appelle les courants et les perspectives, dans cette question très importante qui est la sélection sexuelle, cette fois où on voit les paons faire la roue pour arriver à séduire les femelles. Voilà. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont à l'évidence toujours les bienvenues. À la console technique aujourd'hui, Edouard Rubinstein, pour la documentation Thierry Beauchamp. À la réalisation d'Annie Journeau, Stéphane Deligeange. Comme vous le savez, Continent Science est balado-diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, selon votre désir, vous vous reportez au site internet franceculture.fr à l'émission Continent Science. Demain, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales.